Actes chapitre 9. Or Saul ne respirant encore que menace et carnage contre les disciples du Seigneur, s'étant adressé au souverain sacrificateur, lui demanda des lettres de sa part pour porter à Damas aux synagogues, afin que s'il en trouvait quelques-uns de cette secte, soit homme, soit femme, il les amena liés à Jérusalem. Or il arriva qu'en marchant il approcha de Damas, et tout à coup une lumière resplendit du ciel, comme un éclair tout autour de lui. Et étant tombé par terre, il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Et il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur lui dit, « Je suis Jésus, que tu persécutes. » Il t'est dur de regimber contre les aiguillons. Et lui, tout tremblant et tout effrayé, dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, et entre dans la ville, et là il te sera dit ce que tu dois faire. » Et les hommes qui marchaient avec lui, s'arrêtèrent tout épouvantés, entendant bien la voix, mais ne voyant personne. Et Saul se leva de terre, et ouvrant ses yeux, il ne voyait personne, c'est pourquoi ils le conduisirent par la main, et le menèrent à Damas, où il fut 3 jours sans voir, sans manger ni boire. Or il y avait à Damas un disciple, nommé Anania, à qui le Seigneur dit en vision, « Anania ! » Et il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, et t'en va en la renommée la droite, et cherche dans la maison de Judas un homme appelé Saul, qui est de Tarse, car voilà, il prie. » Or Saul avait vu en vision un homme nommé Anania, entrant, et lui imposant les mains, afin qu'il recouvrât la vue. Et Anania répondit, « Seigneur, j'ai ouï parler à plusieurs de cet homme-là, et combien de maux il a fait à tes saints dans Jérusalem. Il a même ici le pouvoir, de la part des principaux sacrificateurs, de lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car il m'est un vaisseau que j'ai choisi pour porter mon nom devant les gentils, et les rois, et les enfants d'Israël. Car je lui montrerai combien il aura à souffrir pour mon nom. » Anania donc s'en alla, et entra dans la maison, et lui imposant les mains, il lui dit, « Seul mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu dans le chemin par où tu venais, m'a envoyé, afin que tu recouvres la vue, et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Et aussitôt il tomba de ses yeux comme des écailles, et à l'instant il recouvra la vue, puis il se leva, et fut baptisé. Et ayant mangé, il reprit ses forces. Et Saul fut quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et il prêcha incessamment dans les synagogues, que Christ était le Fils de Dieu. Et tous ceux qui l'entendaient, étaient comme ravis hors d'eux-mêmes, et ils disaient, « N'est-ce pas celui-là qui a détruit à Jérusalem ceux qui invoquaient ce nom, et qui est venu ici exprès pour les amener liés aux principaux sacrificateurs ?» Mais Saul se fortifiait de plus en plus, et confondait les Juifs qui demeuraient à Damas, prouvant que Jésus était le Christ. Or longtemps après les Juifs conspirèrent ensemble pour le faire mourir. Mais leurs embûches vinrent à la connaissance de Saul. Or ils gardaient les portes jour et nuit, afin de le faire mourir. Mais les disciples le prenant de nuit, le descendirent par la muraille, en le dévalant dans une corbeille. Et quand Saul fut venu à Jérusalem, il tâchait de se joindre aux disciples, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût disciple. Mais Barnabas le prit, et le mena aux apôtres, et leur raconta comment par le chemin il avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment il avait parlé franchement à Damas au nom de Jésus. Et il était avec eux à Jérusalem, se montrant publiquement, et parlant sans déguisement au nom du Seigneur Jésus, il disputait contre les Grecs, mais il tâchait de le faire mourir. Ce que les frères ayant connu, ils le menèrent à Césarée, et l'envoyèrent à Tarse. Ainsi donc, les églises par toute la Judée, la Galilée, et la Samarie étaient en paix, étant édifiées, et marchant dans la crainte du Seigneur, et elles étaient multipliées par la consolation du Saint-Esprit. Or il arriva que comme Pierre les visitait tous, il vint aussi vers les 5 qui demeuraient à Lydde. Et il trouva là un homme, nommé Anné, qui depuis 8 ans était couché dans un petit lit, car il était paralytique. Et Pierre lui dit, « Aîné, Jésus-Christ te guérisse. Lève-toi, et fais ton lit » et sur le champ il se leva. Et tous ceux qui habitaient à Lydde et à Saron, le virent, et ils furent convertis au Seigneur. Or il y avait à Joppe une femme disciple, nommée Tabitha, qui signifie en grec d'Orca, laquelle était pleine de bonnes œuvres et d'aumônes qu'elle faisait. Et il arriva en ces jours laquelle tomba malade, et mourut, et quand ils l'eurent lavée, ils la mirent dans une chambre haute. Et parce que Lydde était près de Joppe, les disciples ayant appris que Pierre était à Lydde, ils envoyèrent vers lui deux hommes, le priant qu'il ne tardât point de venir chez eux. Et Pierre s'étant levé, s'en vint avec eux. Et quand il fut arrivé, ils le menèrent en la chambre haute, et toutes les veuves se présentèrent à lui en pleurant, et montrant combien Dorca faisait de robes et de vêtements, quand elle était avec elle. Mais Pierre, après les avoir fait tous sortir, se mit à genoux, et pria, puis se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Et elle ouvrit ses yeux, et voyant Pierre, elle se rassit. Et il lui donna la main, et la leva, puis ayant appelé les saints et les veuves, il la leur présenta vivante. Et cela fut connu dans tout Joppe, et plusieurs crurent au Seigneur. Et il arriva qu'il demeura plusieurs jours à Joppe, chez un certain Simon Corroyeur.